به قربانو تو نهلی طولامه به دست خونم جانو شروانو شروانو شروانو شروانو کزی یادای که به قربانو تو نهلی طولامه به دست خونم جانو شروانو شروانو شروانو شروانو شروانو شروانو چلنگو از گوریده دل که یار باراده تفنگل سر میلانو شروانو شروانو شروانو شروانو چلنگو از گوریده دل که یار باراده تفنگل سر میلانو شروانو شروانو شروانو شروانو شروانو شروانو گرکتین برخانو لولی بده سنگانو بلزو بسک حیرانو شروانو شروانو شروانو شروانو گرکتین برخانو لولی بده سنگانو بلزو بسک حیرانو شروانو شروانو شروانو شروانو شروانو شروانو دریا دوست دزانو کس کس اوران از منو یان چکادش منانو شروانو شروانو شروانو شروانو دریا دوست دزانو کس کس اوران از منو یان چکادش منانو شروانو شروانو شروانو شروانو شروانو Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La Parole est à vous. Alors, ce soir, avec comme invité Hassan. Bonsoir Hassan. Bonsoir Michel. En sachant bien que cette émission donc, est enregistrée et qu'elle sera diffusée donc, ce soir, bien entendu. Dans quelques heures, et puis également jeudi matin. Voilà, alors on va parler d'un sujet grave aujourd'hui, puisqu'il s'agit du Kurdistan, enfin des Kurdes plutôt, hein. Enfin le Kurdistan. Kurdistan n'existe que sur le papier, on pourrait dire, hein, voilà. Que par la volonté des Kurdes, qui voudraient bien avoir un jour un pays à eux, mais encore, ça risque pas d'être à proximité, hein. Oui. Ça représente quoi les Kurdes aujourd'hui? Ouais. Tout d'abord, bonsoir à tous les auditeurs et à Radio Guémozo. Donc, merci de m'avoir donné l'occasion de partager par rapport à les Kurdes et tout ce qui se passe actuellement sur le terrain en Kurdistan de Syrie, Turquie, Irak et aussi Iran. Donc les Kurdes, comme on ne va pas aller trop loin, à partir de la Première Guerre mondiale, donc, les terres kurdes étaient divisées, étaient partagées. L'éclatement de l'Empire ottoman. Voilà, l'éclatement de l'Empire ottoman. Par la France et l'Angleterre, en grande partie. Voilà, les grandes nations, on va dire, en particulier la France et les Anglais, enfin l'Angleterre, a décidé qu'il n'y a pas d'un État kurde. Au départ, c'était par le traité de Sèvres. C'était prévu, mais après, avec les Lausanne, tout était effacé par l'opposition de l'État turc à l'époque, a tout effacé, tout le statut qui était prévu pour les Kurdes. Donc, comme aujourd'hui, Erdogan qui sort, eh ben, qui ne veut même pas qu'il y ait un petit statut autonome kurde en Syrie. Donc voilà, on commence, comme le sujet brûlant actuellement, c'est les Kurdes de Syrie. Donc, comme on sait, depuis 2011, il y a une guerre civile, guerre intérieure qui a éclaté en Syrie avec les printemps des pays arabes, on va dire. Donc, les Kurdes, ils ont protégé leurs trottoirs, ils ont sécurisé, stabilisé. C'était vraiment une zone très, très, très stable et sécurisée et agressée. Aucune d'autre, ni on va dire nation, ni pays, rien du tout. Ils essayaient de faire en sorte que tout le monde se retrouve avec ses différences culturelles ou religieuses, tout ça, et tout le monde se sentait bien. Et comme vous le savez, le rôle de la Turquie dans tout ce conflit dans la région, donc la Turquie, les Kurdes disaient tout le temps que les tuteurs, en fait la guerre est menée par la Turquie, mais c'est délégué par des djihadistes, on va dire, comme des groupes djihadistes au départ, c'était... Il y a tellement de noms maintenant, je ne me rappelle même pas, mais... L'État islamique, Daesh. Daesh, c'était créé avec des petits groupes, ils sont devenus un grand groupe. En fait, Al-Qaïda était carrément disparu. C'est Daesh qui est sorti au sein de guerres et puis qui a commencé à faire des atrocités, des crimes en Kurdistan. C'est un peu l'héritage des Américains, quoi, qui ont déstabilisé l'Irak. Oui, il y a ça. Il y a aussi des différents... des différents, on va dire, intérêts économiques, géographiques dans la région que les Américains, les Occidentaux, la Turquie, la Russie, chacun essaie d'utiliser de son côté un groupe qui voulait faire... De tirer la couverture à soi. Voilà, voilà. Mais donc, le rôle quand même du dictateur syrien dans tout ça, Assad... Il a quand même été drôlement néfaste parce qu'il a fait encore plus de morts que Daesh en Syrie. Voilà, Assad, c'est pas un saint, c'est un dictateur. C'était quelqu'un qui a dirigé la Syrie pendant des décennies, voilà, avec un main de fer. Et puis il écrasait tous les opposants, surtout les Kurdes étaient victimes. Mais vraiment, une grande partie des Kurdes qui militaient ou qui étaient pour la cause kurde, ils seront retrouvés, retirés même la nationalité syrienne arabe. Ils existaient physiquement, mais ils n'avaient aucune statut, ni carte d'identité, rien du tout. Il y a eu des arrestations, des emprisonnements, des tortures. Oui, il y avait tout, mais les Kurdes, si vous voulez, dans la région, étaient... On ne va pas dire, ce n'est pas vraiment les mots, mais... Relativement épargné, tu veux dire ? Voilà, non, mais d'un côté, Assad essayait de protéger les Kurdes, les militants kurdes qui sont sauvés de la Turquie après le coup d'État de putsch militaire en 1980. En particulier, Abdullah Öcalan, il a resté très longtemps là-bas. Mais de l'autre côté, ces Kurdes, les Kurdes de Syrie étaient... étaient opprimés, étaient même pas considérés comme des êtres humains. Discriminés. Plus que discriminés, c'était opprimés, c'était il a même retiré les cartes d'identité syriennes de ces Kurdes-là, ils n'existaient pas. Voilà, et puis de son côté, la Turquie a toujours été contre un statut de Kurde, que ce soit nul. En Irak, Iran ou Syrie, nulle part. Même aujourd'hui, si les Kurdes disent que sur la Lune, ils ont une maison, mais la Turquie est capable de tout payer, de faire tout pour aller démolir aussi là-bas. Donc voilà, on est à ce point-là avec... Il y a eu quand même un moment, sur le précédent gouvernement turc, avant, Erdogan en faisait déjà partie, où il y avait quand même le parti kurde qui était accepté, y compris dans l'Assemblée. National, non ? Ben, c'était avec la lutte des Kurdes, ils étaient obligés quelque part d'accepter une partie politique. D'un côté, ils disaient il ne faut pas qu'il y ait la guerre parce que les Kurdes sont des terroristes, il faut déposer les armes. De l'autre côté, ils ne pouvaient pas supporter les partis pro-Kurdes. On ne va pas dire que c'est vraiment 100% des Kurdes, mais toute partie en Turquie actuellement qui parle de la cause kurde ou qui parle qu'il y a une guerre contre les Kurdes, ben, sont diabolisés, voilà, on met toutes les étiquettes sur leur dos ben, pour envoyer en prison. Donc avant Erdogan, il y avait une partie qui avait une alliance avec CHP. CHP, c'est une partie, on va dire, populaire, comme ici, Parti Socialiste. Donc ils sont entrés dans l'Assemblée Générale et après, tout le monde était emprisonné parce qu'ils ont parlé de cause kurde, notamment Leyla Zana, c'était une dame très brave. Elle, bien sûr. Elle vit toujours, heureusement. Donc, elle est emprisonnée actuellement ou elle est expulsée? Actuellement, non, elle n'est pas emprisonnée, mais elle était emprisonnée plus que 10 ans en Turquie parce qu'elle a dit qu'elle a fait les serments à l'Assemblée nationale en kurde et en turc. Elle a dit ça, je fais au nom de la fraternité des peuples kurdes et turcs. Et ben, ça, c'était un crime. Ah ben, Erdogan considérait ça comme un crime, bien entendu. Voilà. Donc, après, bah, y a eu plusieurs partis politiques qui ont essayé de trouver une solution pour la cause kurde. Donc, reconnaissance des droits fondamentaux comme la culture, comme la langue, comme... Voilà, mais chaque fois, c'était fermé, leurs dirigeants étaient emprisonnés, c'était réprimé. Des fois, il y a eu des assassinats politiques, notamment plusieurs députés kurdes qui étaient assassinés entre 1991 et 1993, donc en Turquie. On a déporté 3 millions de personnes, on a brûlé leur village, leur ville, tout. Et c'était sur le territoire turc, ça Ils sont partis de chez eux. Une partie sont venus en Europe, on va dire. Une grande partie, ça reste en Turquie, dans des grandes métropoles comme Istanbul, Izmir. Et tout ça dans l'indifférence des pays occidentaux. À cette époque-là, tout le monde, je sais pas, on voulait pas entendre les cris des Kurdes, qu'il y a un massacre là-bas. Et pendant ce temps, pendant cette époque, on a beaucoup parlé quand même du massacre des Kurdes en Irak. Oui, c'était juste après. Il y avait 3-4 ans après, en Turquie, ils ont fait la même chose. Mais ce n'était pas avec les armes chimiques, c'était autrement. C'était encore pire qu'en Irak, parce que 3 millions de personnes vont déporter, ben, c'est un crime contre l'humanité. En plus, pendant ces périodes-là, il y a eu plus que 17 500 disparus officiels. Hein. Mais de côté kurde, on parle de plusieurs... 50 000 disparus officiellement, même... la justice. Alors, pour nos auditeurs, ça veut dire que la partie du Kurdistan, c'est le sud de la Turquie. Oui, c'est le sud de la Turquie, c'est sud, vers l'Irak. Sud-est. Voilà, sud-est. Hein, c'est ce qui touche à l'Irak. Voilà, l'Irak, Syrie, Iran, c'est tout ce un... Ce qui aurait dû être un territoire kurde, oui, autonome. Voilà. Ben, l'occupation d'Empire ottoman, cette zone-là était plus ou moins autonome. On appelait Kurdistan. Mais oui. Avec la République turque, soi-disant laïque, tout était effacé. Au départ, ils ont dit OK. Une fois que les Kurdes ils sont mis avec eux, ils ont gagné la guerre. En fait, après la Première Guerre mondiale, les restes de l'Empire ottoman actuellement en Anatolie. Parce que la Première Guerre mondiale, les Turcs étaient du côté de l'Axe, des Allemands. Voilà. Donc, ils étaient vaincus. L'Empire ottoman était... Voilà, était, on va dire, éradiqué ou... Était anéanti, voilà. Et puis dépecé, quoi. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'Empire ottoman s'étendait sur tout le Moyen-Orient, quasiment. Voilà, hein? C'est ça. Et même une petite partie de l'Europe. Oui, ils sont venus en Autriche, à Vienne, Serbie, de Vienne, tout ça. Ils étaient dans les Balkans et tout oui, ça. Oui, voilà. Oui bah, Croatie, Albanie, partout, c'était des Turcs, les empires ottomans. Ils sont restés 400, 500 ans quand même, hein, c'était pas... Voilà, donc et les Kurdes, après une fois que les Anglais et les Français, ils ont décidé de faire gérer De rediviser le territoire, le territoire ottoman, quelquefois par en ligne droite comme ça, coupé en ligne droite. Notamment entre Syrie et Turquie, c'est carrément comme ça, en ligne droite, voilà, c'est comme ça, on a décidé comme ça, ils ont laissé une partie en Syrie, une partie en Turquie. Donc, depuis, la lutte continue. À un moment, on va dire, entre 1920 et jusqu'à 1960-68, jusqu'à que PKK, le Parti Travailleur Kurde, commence à se réorganiser, en fait, commence à réorganiser les Kurdes pour... On était à quelle période, là? On était bien après-guerre, là? C'était bien après-guerre. C'était en 68-67. Oui. La génération de 68, Öcalan fait partie avec ses camarades, à peu près à trentaine de personnes. Ils ont créé la partie et c'est vite grandi. Et avec le coup d'État, une grande partie des militants étaient emprisonnés, assassinés, torturés. Et puis les restes, ils sont passés en Syrie, justement. Oui, l'armée a toujours été le garant de l'intégrité du territoire turc. Oui, l'armée turque, c'était toujours forte. C'était toujours... c'était eux qui disaient les derniers mots, jusqu'à que Erdogan, il a... Oui, il a repris l'initiative, puis il a mis les opposants militaires en prison. Justement. Mais ils étaient aussi garants d'une certaine laïcité, d'une certaine démocratie. Oui, si on veut, entre guillemets, c'était un pays laïque, mais il y avait 80 000 imams qui étaient payés par quoi même contribuables par les peuples, on va dire 30%, c'est des alévites, comme on a parlé tout à l'heure, hors antenne. Donc, ces gens-là payent aussi leurs impôts, mais en contrepartie, ils sont obligés actuellement d'apprendre. En fait, c'est une obligation. Les cours religieux en Turquie, c'est une obligation. Si vous ne passez pas cette cour, eh ben vous êtes... Malgré que la Turquie, ce programme République laïque. Voilà, c'est le paradoxe, quoi. Sur les papiers, c'est comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça du tout. Avec Erdogan, tout est changé. Erdogan, il a créé un état de parti. Et son parti, de toute façon, il faisait le parti des frères musulmans. Quand en Égypte, Morsi, il était destitué de oui, du pouvoir. Oui, il soutenait les mouvements islamiques. Oui, mais toujours. Et au départ, il faut dire quand même qu'il a soutenu Daesh, au départ. Mais toujours. On va peut-être venir jusqu'à là, en fait, les derniers événements qui sont passés actuellement sur le terrain. Finalement, le chef de Daesh, el-Baghdadi, il était dans les zones actuellement protégées ou contrôlées par les Turcs, donc à 5 km de la frontière turque. Et d'après les sources kurdes qui étaient sur place, et souvent il passait en Turquie, il repassait à l'autre côté. Donc il circulait, il changeait souvent de place, mais sans s'inquiéter. Donc voilà, finalement. Et les Occidentaux, les Russes fermaient les yeux là-dessus. On ne sait pas. Après, peut-être les Russes, ils fermaient les yeux parce que c'est une zone qui était sous contrôle de la Turquie, Idlib. Donc, les Russes avec les Syriens, ils attaquaient cette ville parce qu'il y avait beaucoup de djihadistes, des terroristes très, très dangereux qui sont coincés là-bas. Et ils ont conclu un accord avec Erdogan, que ce soit les Américains ou les Russes, pour faire attaquer les zones kurdes, pour faire un corridor, pour soi-disant ramener les réfugiés syriens qui sont victimes aussi de cette guerre. De l'autre côté, Assad, il dit que c'est des traîtres. De ce côté-là, Erdogan, il l'utilise comme une marchandise de menace contre l'Europe. Eh ben, je veux ouvrir les portes. Les réfugiés. Malheureusement, aujourd'hui, l'être humain est utilisé par Erdogan comme une marchandise de menace. Bien sûr. Donc, il dit, je vous envoie. Autrement, voilà. D'ailleurs, il y avait un article de Libération récemment qui en parlait. Hein. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas content, si vous ne me soutenez pas, moi, Erdogan, voilà. je libère les camps et je les envoie en Europe. Alors que les Européens, aujourd'hui, payent pour justement fixer ces réfugiés en Turquie, en particulier dans des camps turcs. Oui, d'après dans des conditions déplorables, d'ailleurs. Voilà. Mais d'après certaines sources, l'Europe a payé 5 milliards d'euros pour que Erdogan, qui gère cette situation Bien sûr que c'est ingérable. Il y a 3-4 millions de réfugiés dans un pays comme la Turquie, qui n'est pas vraiment riche. Donc, ce n'est pas traité comme les réfugiés en Europe. Là-bas, on laisse dans la nature. Faites comme vous voulez. Après, il y a beaucoup de conflits. Il y a des conditions d'hygiène déplorables, oui, sanitaires déplorables. Il y a beaucoup des abris de fortune à droite, à gauche. Les gens, ils sont à l'extérieur. Moi, j'étais il y a 3 semaines en Turquie. Ben, j'ai vu ça avec mes propres yeux. D'ailleurs, à Paris aussi, en passage, j'ai vu beaucoup d'Africains au bord de l'autoroute, tout ça. Les réfugiés aujourd'hui, c'est un grand, grand problème, très grave mondialement. Bon, on essaye de faire tuer en Méditerranée. De l'autre côté, Erdogan, il utilise comme une marchandise de menace contre l'Europe pour développer ses idées islamistes. Où actuellement il attaque les zones kurdes, les Rojava. Alors il faut dire quand même le rôle essentiel qu'a tenu les Kurdes, en particulier les Peshmerga, les Peshmerga dans la lutte contre Daesh. Hein. D'ailleurs, dans la libération, ça m'a frappé, il y avait un dessin de Willem. Hein, du dessinateur satirique Willem, hein. il y avait la tête d'un Turc qui avait été coupé avec une hache, qui gisait sur le sable, et puis tu voyais les Occidentaux personnifiés par Angela Merkel, c'est tout, avec un bouquet de fleurs qui disait adieu Kurde, merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Ouais, malheureusement. Malheureusement, on n'est pas loin de la réalité, hein, dans cette caricature de Willem. Oui, aujourd'hui, même timidement, on condamne l'agression criminelle de Turquie contre les Kurdes de Syrie. Donc, quand je dis Kurdes de Syrie, c'est les zones autonomes. C'est pas seulement les Kurdes. Il y a toutes les petites minorités qui sont là-bas, qui sont ensemble avec les Kurdes, et même les Arabes. Qui sont mis avec les Kurdes, donc ils protègent leur zone, mais ça ne convient pas à Erdogan. Avant, il a voulu... Ça ne convient pas à Erdogan, ça convient pas à Assad, et ça ne convient pas aux Russes. Ça ne convient pas à l'Iran non plus, on croirait. Donc tout le monde comptait, en fait, côté, on va dire, Turquie, Amérique, Occidentaux, comptait de... Les Américains sortirent lâchement. Renverser Assad, les Turquies disaient, si on renverse l'Assad, de toute façon, les Kurdes, c'est une bouchée, on va tous se démolir. Et ils ont vu, maintenant, la Turquie a compris qu'il n'arrivera pas, Assad restera toujours. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis en place une autre politique. Ben, on attaque les Kurdes, parce que c'est terroriste, c'est une menace que les Kurdes ont jamais, jamais agressé les frontières turques. Jamais. Mais par contre, la Turquie, en fait, quand, je ne veux pas dire la Turquie, vraiment pas, je ne veux pas accuser tout le peuple turc, mais Erdogan et sa régime et tout ce qui approuve Erdogan aujourd'hui en Turquie, qui agresse ses voisins, que ce soit les Kurdistan d'Irak, ils sont là-bas tout le temps avec leurs avions de chasse, avec leurs services secrets, ils sont là-bas pour... menacer le régime autonome kurde là-bas. Les pauvres, ils sont pris entre deux étaux. D'un côté, c'est les Irakiens, le gouvernement irak. De l'autre côté, c'est la Turquie. Ils se soumettent, on va dire, à l'exigence d'Erdogan. Et des fois, ils sont allés jusqu'à bloquer les frontières entre les Kurdes de Syrie et Kurdes d'Irak. Donc, ils ont mis l'embargo, mais c'était pas quelque chose... c'était quelque chose de contre le cœur, mais pour rester là-bas, pour que l'autonome kurde, les zones autonomes kurdes en Irak existent toujours, ils étaient obligés de quelque part. Donc, sinon, l'Erdogan dit voilà, c'est un danger pour la Turquie. 2 millions ou 3 millions de personnes qui vivent là-bas et qui menacent 80 millions de la Turquie. Alors, je laisse aux auditeurs de juger, voilà. Voilà. Donc, c'est des prétextes. En plus de ça, il n'y a pas d'aviation, des Kurdes. Pas du tout. Y a pas d'armes lourdes. Quoi. Non, pas du tout. Mais les seules menaces qui étaient réelles, parce que c'est un régime libertaire, écologique, liberté des femmes, partage social. Ça, c'était un modèle qui pouvait être inspiré par d'autres nations. Tu veux dire le modèle des Kurdes. Voilà, modèle des Kurdes. Donc ça, c'était une menace, pas seulement pour les Turcs, mais aussi pour les pour les pays impériaux qui aujourd'hui qui tiennent là-bas. Donc c'était une menace parce qu'ils ont dit aujourd'hui les Kurdes, demain les autres ils vont s'inspirer, il y aura des soulèvements populaires, on ne peut pas tenir. Donc ça c'est une menace contre les pays impériaux pour les capitalismes. Là on peut dire qu'à la faveur des guerres, à la faveur des persécutions, les femmes kurdes en particulier ont obtenu largement l'égalité. Hein. Y compris les armes à la main. C'était une révolution féminine, donc c'était une révolution sans frontières. Féminine. Oui, féminine, voilà. Donc là, c'est un modèle de vivre ensemble, mais ça n'existe même pas. En fait, c'était une source d'inspiration mondialement pour les militants ou les mouvements sociaux en Europe, partout dans le monde. Voilà, on peut avoir une autre façon de vivre ensemble et en égalité, surtout. Égalité femmes-hommes, écologique, tout était vraiment calculé. Quand tu dis écologique, voilà. tu veux dire respecter l'environnement. Voilà, l'environnement, c'était dans leur programme, c'était un des piliers de leur programme politique, voilà, respecter l'environnement, respecter la nature. C'était vraiment un modèle, mais bon, c'est encore actuellement, c'est attaqué par la Turquie. La Turquie a fait un accord avant avec Trump, donc américain. Après, c'était avec les Russes. Et avec l'accord de deux pays, il attaque. Mais ça fait 20 jours que les Kurdes résistent. Et l'indifférence de l'Europe. L'Europe n'a pas vraiment d'indifférence. Ils font timidement, on condamne l'agression turque contre les Kurdes. Ça reste des paroles. Ça reste des paroles. Et c'est aussi pour calmer, dans leurs pays respectifs, comme l'Allemagne ou en France, donc en Angleterre, pour un peu dire, voilà, on a une dette envers les Kurdes parce qu'ils sont battus, ils ont donné 11 000 martyrs et plus que 25 000 blessés actuellement. Dans la lutte contre Daesh. Contre Daesh. Et ils ont vaincu Daesh. Et d'ailleurs, El-Baghdadi qui a été tué il y a deux jours, le dimanche. Donc aussi, c'était grâce à un infiltré, un agent kurde qui était allé jusqu'à dans son unité élite, qui l'a amené des indices d'ADN et que l'Amérique, en 15 minutes, ils ont décidé que voilà, c'est lui. Mais c'était grâce à un agent kurde qui était infiltré dans tout proche de Baghdadi. Trump, bien sûr, voilà. Veut en retirer tout le mérite, quoi. Bah ça, c'est toujours le problème d'hommes, grand pays, des grands hommes politiques. Oh, bah, ce n'est pas un grand homme politique parce que c'est quelqu'un qui dit des choses incohérentes. Aujourd'hui, il dit quelque chose, demain, il dit autre chose. Même si ce n'est pas approuvé par son parti, mais ils s'en fichent. Je crois que pour les Français en sont convaincus, au moins. Bah, il dirige l'Amérique comme il dirige une entreprise. Bon, il croit que c'est son entreprise, comme c'est un homme riche. À coup d'esbrouf. Voilà. Et en fait, mondialement, maintenant, il est connu avec tous ces des propos incohérents, des actes incohérents. Une fois, il dit « je fais comme ça », après, c'est autre chose. « Je vais protéger les Kurdes ». Non, je ne protège pas les Kurdes. « J'ai donné des armes, j'ai fait ça, j'ai fait ci ». Bon, après, c'est vrai que les Kurdes, s'ils ont réussi jusqu'à là, c'était aussi grâce à la coalition anti-Daesh, parce que les Kurdes, ils n'ont pas des armes lourdes, c'était donné par la coalition. Donc la ville de Kobané était encerclée pendant plus que 120 jours, donc ils ont gagné en première victoire contre Daesh là-bas. Et après, de toute façon, Daesh a... Petit à petit, partout, c'était vaincu grâce à cette victoire de Kobané. Et Erdogan, il était tellement content, tellement fier. Il a dit, voilà, tiens, Kobané, tombez ou ça va tomber dans les minutes qui viennent. Mais ce n'est pas tombé. Donc, c'est Daesh qui est tombé. La guerre qui menée par délégation de Daesh et des groupes islamistes et djihadistes, sont vaincus. Et maintenant, c'est lui-même, pour moi... Le chef de Daesh, ce n'est pas El-Baghdadi qui vient d'être tué, c'est Erdogan lui-même. C'est un dictateur, voilà. C'est lui-même. Donc maintenant, c'est lui qui est parti en guerre contre les Kurdes. Et c'est une grande menace mondialement. Aujourd'hui, parce que là, si j'ai bien compris, les prisons aujourd'hui risquent de se vider avec des... en libérant des djihadistes très dangereux. Oui, aujourd'hui, ils ont un projet de diminution de peine dans les prisons turques. Donc, apparemment, d'après leurs sources, hein, c'est invérifiable, mais c'est 285 000 prisonniers en Turquie. Il y a 285 000 prisonniers en Turquie. De Daesh. Non, pas Daesh, en fait, tout confondu. Tout confondu. Voilà, et ils ont mis en place un sort d'amnistie qui vont libérer bientôt 129 000 personnes. Donc, et parmi, il y a des gens de... Parmi, une grande majorité, c'est des... Bon, c'est Daesh. Les Daesh, de toute façon, ils prennent de ce côté-là, ils relâchent de l'autre côté. Ils relâchent, ils l'envoient en Syrie, en Kurdistan, pour faire la guerre. Donc, tous les militants Daesh, symboliquement, peut-être, ils ont gardé quelques-uns. Sinon, ils sont tous là-bas. Il y a plus que 50 000 militants Daesh aujourd'hui qui attaquent les Kurdes. Malgré les cessez-le-feu qui étaient conclus entre Amérique, Turquie et Russie-Turquie. Mais ça n'a jamais arrêté. Et lui, il... Mais comment les Kurdes aujourd'hui ils vivent ça quand même? Parce qu'ils risquent de se faire massacrer, quoi. La force est contre eux. Bah oui, la force est contre eux. Oui. Donc aujourd'hui... Comment c'est l'armée turque? C'est une armée qui est deuxième ou troisième dans l'organisation de l'OTAN, le plus fort des armées qui est actuellement. Parce qu'il faut pas oublier que la Turquie fait toujours partie de l'OTAN. Voilà, il fait partie de l'OTAN. En plus, aujourd'hui, c'est-à-dire qu'Erdogan joue double jeu dans cette histoire-là, depuis le départ. Bah, double jeu, moi je veux dire qu'il s'en fiche de l'OTAN, il s'en fiche de tout le monde, oui, oui. Toutes les déclarations, toutes les condamnations, et lui, il continue. Mais si on n'arrête pas aujourd'hui Erdogan en attaquant les Kurdes, demain il va attaquer d'autres pays ou d'autres nations. Il ne va jamais s'arrêter là, on n'a pas oublié. Führer, il a attaqué les petits pays autour de lui, après c'était un grand danger mondial. Après, il a tellement grandi que voilà pour convaincre. Il veut rétablir l'Empire ottoman, quelque oui, sorte. Oui, mais c'est son objectif. De toute façon, il cache pas ses ambitions. Il dit ici, c'était nos terres, donc ça revient à nous. Nous, on utilise nos droits internationaux que voilà. S'il y a un danger dans quitte à manipuler tout le monde. Oui, mais il fait. Il dit, c'était conclu comme ça. S'il y a un danger contre la Turquie ou contre s'il y a instabilité à côté de nos frontières. C'est à nous d'intervenir et de régler le problème. Pour vous lui. Accorder une pause musicale, alors tu nous as amené de la musique kurde, oui. Folklorique, voilà. Ou actuelle. Bon, c'est actuel, folklorique, c'est une chanson de résistance. Donc, de résistance, voilà. Voilà. Dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur dur d Voilà, on reprend l'antenne. Donc, c'est un chant plutôt révolutionnaire. Oui, c'est un chant révolutionnaire, résistant. Donc, c'était créé l'année dernière quand l'État turc encore a attaqué Afrin. Donc, Afrin, c'était une ville autonome aussi, mais il y avait une coupure par les djihadistes entre la Turquie et Syrie, et c'était le passage, et la Turquie a commencé à paniquer, à avoir peur, voilà, ils vont couper les liens, après je ne peux pas aider les militants Daesh, tout ça, et à attaquer oui, cette ville. Oui, puis je pense aussi qu'il y avait qu'Erdogan s'est fait remonter les bretelles par Poutine à ce moment-là. Oui, Poutine, ça lui arrange parce que, si on veut dire, bon, c'est pas vraiment les mots, mais... Poutine veut aussi récupérer les autonomes kurdes pour l'Assad. Donc, et qu'est-ce qu'ils vont faire si Poutine demain il attaque les peuples civils, les Kurdes qui sont battus contre Daesh, il sera mal vu. Donc il fait faire sale boulot par Erdogan. Et ça leur arrange. Alors ce qui est frappant quand même, c'est la position des Turcs d'Europe, en particulier en France, hein, dans nos vallées, ouais. Où véritablement la propagande est telle, hein, ouais. Puisque de toute façon, il n'y a pas de médias alternatifs aujourd'hui. Oui. Il n'y a pas de médias alternatifs par rapport à la propagande d'Erdogan, donc ils sont persuadés de toute façon que les Kurdes, c'est les ennemis, qu'il faut les exterminer. Oui, Erdogan, de toute façon, comme on a dit au départ du programme, donc... c'est un militant islamiste depuis très jeune âge. Donc il avait le pouvoir avec cette étiquette. Voilà. Donc et son objectif en 2023 de créer vraiment un État islamique. Turquie devient islamiste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Turcs en Europe ou en Turquie. Ils disent ah bah c'est pas possible. Ben, c'est possible. Il fallait aussi pour ça détruire aussi l'opposition de l'armée. Hein, oui, ça. Hein, puisque l'armée était quand même, malgré tout, garant d'une certaine laïcité en Turquie. Voilà, ils ont mis en scène, soi-disant, un coup d'État ou un putsch militaire, que c'était le plus grand chef actuellement. Il est devenu ministre de la Défense. Et ce mec-là, il se cachait quelque part en disant qu'on m'a kidnappé, et puis je ne pouvais pas maîtriser la situation, tout ça. Mais il a joué le double jeu où c'était carrément organisé comme ça pour donner au peuple, voilà, il y a des ennemis à l'intérieur, il faut qu'on les élimine tous, parce que Erdogan lui-même, il a dit que c'est un bénéfice de Dieu que quelqu'un a essayé de faire un renversement de notre gouvernement. Et maintenant, c'est à notre tour. Ça pourrait être, dans les années qui viennent, un beau sujet pour Monsieur X sur France Inter. En tout voilà. Et il a dit, c'est le Dieu, c'est grâce à Dieu, on va tout supprimer. Et il a mis en place, de toute façon, ce système présidentiel ou comme en Amérique, un président, premier ministre. Voilà, c'est lui, tout est lui. De toute façon, il y a aujourd'hui, tout le monde a sa vote, quoi. Voilà, aujourd'hui, et puis surtout les médias, parce que les journalistes qui veulent s'opposer, même à l'étranger, ils sont menacés. Donc aujourd'hui, Parlement, il n'y a aucun rôle dans la vie politique de la Turquie. Donc c'est tout. Erdogan, il amène ses hommes proches pour décider, il gère aujourd'hui la Turquie, un seul homme qui gère. Donc avec cet système de présidentiel en Turquie, et de toute façon, comme tu as dit tout à l'heure, les médias alternatifs, ça n'existe pas, à part les réseaux sociaux. Ça n'existe plus, voilà. Il a tout acheté, ou il a menacé, ou il a emprisonné les journalistes, tout ça. Tout le monde actuellement... œuvre pour Erdogan et sa régime. Et il a créé une mentalité. Ce n'est pas lui seulement. Depuis 1980, après les putsch de militaires, de toute façon, ils ont dit on va grandir en génération religieuse. Donc, on n'a pas besoin d'autre chose. Il faut que c'est une génération qui croit en Dieu, qui est islamiste et religieuse. Donc, ils ont réussi. Aujourd'hui, actuellement... même les Turcs en Europe, que ce soit en France ou en Allemagne, grande majorité, Donc, ils sont... Sauf la minorité à Lévis. Hein. La minorité à Lévis très critique par rapport à Erdogan. Hein. Enfin, non. Mais à Lévis, ils sont massacrés aussi en Turquie. Ils sont ignorés, sont discriminés. Donc, s'il y a un des dirigeants des Alevis qui va dire quelque chose contre la tranquillité d'Erdogan, on va dire, je ne vais même pas dire la Turquie, ben, il est tout de suite emprisonné. Donc, il y a eu des massacres des Alevis aussi. En 1993, ils ont carrément brûlé un hôtel avec des intellectuels, des chanteurs, tout ça. C'était des Alevis. Donc, ils voulaient faire un festival de musique. Ben, rien que ça, il a fait attaquer. Et ils ont brûlé avec l'hôtel. Oui, parce que quand on voit, non seulement Erdogan, ben, il se conduit à dictateur, mais il veut effacer aussi toute trace de culture alternative, hein, les Kurdes, les Alevis, etc. Ouais. Mais Erdogan... Et il nie toujours le massacre arménien. Ben ça, de toute façon, pour eux, c'est faute arménien, parce qu'ils ne sont pas restés tranquilles. Parce qu'ils étaient arméniens, quoi. Parce qu'ils étaient arméniens. Mais malheureusement, c'est un drame humanitaire, mais on rigole, parce que les mots qu'eux, ils prononcent, c'est un peu marrant. Ah, c'est un peu... Ouais, c'est n'importe quoi. Ils disent que c'était la faute arménienne, c'est eux qui nous ont attaqués. Comme aujourd'hui, ils disent que les Kurdes ils nous attaquent, ils n'ont jamais une seule balle qui est tombée côté turc. Par rapport à les Alevites, mais Erdogan aujourd'hui, il supporte même pas, parce que même parmi l'islam, on choisit les bons et les mauvais islam. Donc pour Erdogan et ses idéologies ses adeptes, il faut être sunnite. Et même dans les sunnites, des fois, on fait des sélections. Donc, comme en Syrie, au début de la guerre, les militants Daesh, ils arrêtaient. J'ai vu moi-même les vidéos. Donc, il arrête 3 chauffeurs de camions. Il demande la prière du soir, c'est combien rakat, on dit rakat. Bon, combien de... Moi, je ne suis pas pratiquant, je ne sais pas. Donc, il y en a un qui dit 4, l'autre, il dit 3. Il y en a un qui dit 5, mais il exécute tout le monde parce que vous n'êtes pas des bons musulmans. Donc aujourd'hui, l'Iran, parce qu'il y a des conflits entre l'Iran et la Turquie, parce que ce n'est pas des sunnites, c'est des chiites. Donc vraiment, Erdogan, c'est un islamiste qui vient de dessus, organisation islamiste de plus en plus. Qui est de plus en plus intégriste. Voilà. Même s'il ne fait pas avoir. Et même si pour la réputation de la Turquie, on croit encore en Occident que c'est un État laïque. Mais ça, c'est des parties visibles de la Turquie. Mais au fond des choses, c'est vraiment la mentalité est créée actuellement en Turquie. C'est pour ça qu'on dit aujourd'hui, en Turquie, la mentalité de l'islamisme est là. Il a tout ce qu'il faut. Et en 2023, de toute façon, son objectif, c'est de vraiment créer des institutions. Mais... Les écoles coraniques, les écoles religieuses sont beaucoup plus importantes aujourd'hui en Turquie que des écoles normales, des écoles laïques. Et d'ailleurs, parmi les imams qui exercent aujourd'hui un peu sur le territoire vosgien, pour le territoire français, il y a quand même quelques intégristes qui viennent de Turquie. Hein, bien sûr, les pires, c'était ceux qui venaient... Je parle d'intégristes, hein. Je ne veux pas critiquer la religion en elle-même, hein, globalement, mais des intégristes qui viennent d'Arabie Saoudite, des Émirats, mais maintenant, on en a aussi de Turquie. Oui, c'est, comme on a dit, donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc ils ont créé tellement une mentalité que celui qui est beaucoup plus radical, il est meilleur musulman. Donc même s'il y a un imam qui vient, qu'il est un peu, on va dire... Vraiment, pour la religion islam, on n'est pas contre les croyances des gens de religion d'islam. Mais s'il œuvre pas à ce sens-là d'être vraiment islamiste, que toutes les autres religions ou croyances sont l'ennemi de l'islam, il ne peut pas trouver sa place parmi la communauté. Il sera rejeté. Donc, pour ça, l'imam, il devait être beaucoup plus radical que les gens qui viennent aux mosquées. Donc... Il y a certains retenus, on va dire, en France ou en Europe, parce qu'ils savent que les États européens, c'est laïque et ils ne vont pas laisser tout faire, qu'on a vu déjà en Angleterre. Plus ou moins laïque. Oui, plus ou moins. Donc, Donc, il y a quelques imams qui étaient expulsés de la France ou de l'Angleterre, surtout parce que là-bas, c'est beaucoup plus libéral et ils disaient des choses. Ils appelaient la religion islam, en fait, les musulmans à révolte, même en Europe. Donc, voilà. Actuellement, c'est inquiétant tout ça. Même pour nous Français, c'est inquiétant parce qu'on peut penser que quand même. Inquiétant, on a déjà vu les preuves. Ils ont attaqué Charlie Hebdo, ils ont attaqué le Bataclan parce que c'est pas des musulmans. C'était quand même pas massacré les. C'était des intégristes qui n'étaient pas forcément ni turcs ni arabes. Au fond de on va dire des musulmans fanatiques, des islamistes, au fond de leur cœur, ils sont tous pareils. En fait, ils sont tous pareils. Ils veulent être à leur place. Donc, vous parlez individuellement avec un musulman, c'est des gens bien, mais quand ils sont en groupe, ils essayent d'être l'un plus que l'autre islamiste. Voilà, moi, je veux pour le musulman, je veux amener la religion. Pour leur mentalité, la terre appartient qu'à l'islam. Les restes, voilà, c'est des parasites, il faut éliminer. Bon, on va passer à un autre sujet. Actuellement, désolé. Donc, actuellement, en parlant de la guerre de la Turquie contre les Kurdes de Syrie, de SDG, en fait, les forces démocratiques syriennes. Donc, ça fait 20 jours que la guerre, ça dure. Donc, malgré les cessez-le-feu, tout ça, mais l'État turc n'arrête pas, attaque. Toujours, on trouve une... Y compris sur le territoire syrien. Justement, c'est sur le territoire syrien. Aujourd'hui, ils sont entrés à l'autre côté. Ils sont passés à l'autre côté depuis 9 octobre. Ils violent les frontières. Et de toute façon, avec la bénédiction d'Assad ou pas? Mais Assad... En fait, si vous voulez, depuis 9 octobre, avant 9 octobre, il a fait des menaces, il veut passer en Syrie. Mais ce n'était pas quelque chose... aujourd'hui, Erdogan, il a décidé à l'autre côté qu'il a passé. C'était des accords qui étaient conclus entre l'Amérique, la Russie, tout ça. Et c'est aussi pour un peu coincer les Kurdes, pour que les Kurdes se rangent un peu vers l'Assad. En fait, qu'il accepte toutes les exigences de la régime d'Assad et de la Russie. Et ils ont réussi une partie, parce que quand l'Amérique et les Occidentaux, on va dire, notamment la France aussi a des forces spéciales là-bas qui sont sur le terrain. On n'a jamais entendu quoi que ce soit de... Bon, on a condamné, président Macron, il a condamné l'agression de la Turquie, mais sans plus. Donc, voilà. Donc, actuellement, la Turquie attaque les Kurdes. Les Kurdes, ils n'avaient pas d'autre choix que pour se faire protéger... des avions de chasse, tout ça. Ils ont conclu un accord avec la régime Assad en protégeant les frontières ensemble, mais actuellement, les systèmes ou les villes qui étaient tenues par les Kurdes anciennement, c'est toujours, ça reste toujours sous l'administration de Kurdes. Mais on verra dans les prochains temps. Qu'est-ce qui va se passer alors? Voilà. Pour l'instant, on essaie d'affaiblir les Kurdes, la résistance kurde, pour qu'ils acceptent toutes les propositions, les petites miettes qui vont être proposées par Assad. Donc, tout le monde est... Les Kurdes deviennent un peu les otages d'Assad, au moins en ce qui concerne cette partie du Kurdistan. Oui, c'est ça, en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, les régimes qu'ils ont mis en place, liberté de toutes les confessions, tout le monde se retrouvait dans un régime, en fait... voilà, pluraliste, écologiste, et puis aussi partage social. Donc, ça fait peur, comme je dis, aux autres... Force impériale, ils ont dit qu'il faut qu'on mette fin à cette système de gérance. Alors quel est l'avenir pour les Kurdes? Comment ils peuvent être aidés aujourd'hui? Actuellement, c'est incertain, mais comment il faut aider? Voilà, on sait qu'on ne peut pas compter sur les gouvernements des différents pays, que ce soit l'Europe ou ailleurs. Donc on compte... sur les peuples de ces pays-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de manifestations de contre. Voilà, opinion publique. est très, très important. C'est pour ça que Macron, Merkel, tout ça, ils ont condamné l'agression turque. Avant, ils disaient rien du tout, ils laissaient faire. Donc aujourd'hui, pour un peu calmer l'opposition de leur peuple, ils ont commencé un peu à dire, voilà, la Turquie, il faut qu'elle s'arrête, qu'elle se retire des zones occupées. Mais il faut une forte opposition encore en Europe avec les Kurdes. Il faut être Comment ça solidaire. Se passe en Allemagne où la communauté turque est importante, mais kurde aussi? Oui, actuellement, il y a beaucoup de manifestations tous les jours contre cette agression de la Turquie contre le Rojava. On n'en parle pas en France. On n'en parle pas, je sais, mais il y a beaucoup de manifestations en Europe, même en France, à Paris, à Strasbourg, à Lyon, à Toulouse. À Mulhouse aussi, il y a eu manifestation. Et les 2 novembre, donc les 1er novembre, c'était journée de Kobané mondiale, journée mondiale de Kobané. Cette année, on va refaire, mais ce sera les 2. Les 2, c'est un samedi. C'est pour ça que, voilà, donc c'est la journée de Rojava. Donc, j'invite. 2 novembre. Oui, 2 novembre, là, le samedi qui vient. Donc, j'invite d'être à toutes les Français. L'émission tombe voilà. Bien. Voilà, et qui soutient. Leur soutien est très, très précieux pour donner le moral au peuple kurde. N'ayez pas peur d'attentats de la part des Kurdes d'Europe. Attentats, j'espère qu'il n'y aura pas, mais il y a toujours des risques. De toute façon, il y a des petites provocations pendant les manifestations, tout ça. Les Turcs nationalistes qui viennent provoquer la manifestation, mais les... On va dire les camarades, les militants kurdes qui gèrent les manifestations. Et vous pensez que les forces de l'ordre aussi s'interposent? Actuellement, les forces d'ordre, ni en Allemagne, parce qu'en Allemagne, avant, c'était interdit beaucoup de manifestations kurdes. Ah bon? Oui, ils interdisaient parce que la Turquie mettait. Voilà. Erdogan, il voulait ça et le gouvernement interdisait. Actuellement, on laisse manifester et surtout, c'est grâce au peuple allemand. Il y a presque la moitié des manifestants, c'est des Allemands. Qui descendent dans les rues. Qu'est-ce que ça représente la communauté kurde? La communauté turque en Allemagne, je crois que c'est 5 millions de personnes. Officiellement, c'est 3 millions et demi. Mais peut-être il y a 5 millions, même plus. Parmi ces 5 millions, je pense qu'il y a 1 million et demi de Kurdes. Le reste, c'est des Turcs. Même comme en France, il y a à peu près 1 million de communautés turques. Il y a à peu près 30 à 40%, c'est des Kurdes. Même peut-être la moitié, c'est des Kurdes. Donc, voilà, en Europe... Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'incidents par rapport à des manifestations. Les Turcs, ils ne manifestent pas, mais ils savent que, voilà, de toute façon, leur État qui agresse les Kurdes. Même, on essaye de manipuler la mentalité des gens, mais les gens, ils voient quand même. Ils regardent dans des différents médias. Tu penses quand même que les médias, enfin, côté français, malgré les, côté allemand, malgré les menaces... qui pèsent sur eux, hein, sur les journalistes, ouais. vont dire la vérité de ce qui se passe réellement, ou bien ça va être un peu dilué. La média française, actuellement, il y avait le magazine Le Point, je pense, il a carrément mis un premier plan, première page Erdogan, éradicateur, dictateur, sanglant, tout ça, et... Erdogan, il a porté plainte contre, je ne sais pas comment il s'appelle, franchement c'est un acte très courageux, les journalistes, donc il a porté plainte Erdogan contre voilà, humiliation du président d'un pays, je ne sais pas comment, mais il a dit la liberté de presse, la liberté de s'exprimer, c'est un droit absolu. C'est un droit absolu et c'est très très valeureux, on ne peut pas... céder à ça, même s'il n'est pas content, ben c'est comme ça. Parce qu'actuellement, il fait un nettoyage ethnique des Kurdes pour installer les djihadistes, parce que les djihadistes sont coincés à droite, à gauche, ils veulent tout mettre là-bas, pour encore diviser les terres kurdes avec ces islamistes qui vont être un grand danger mondial. Et comment ça se passe alors aujourd'hui en Irak? En Irak, comme j'ai dit, en Irak, les Kurdes en Irak... Il y a quand même la validité d'un État kurde, non, en Irak? Pas vraiment, parce qu'ils ont fait voter l'année dernière un référendum de l'indépendance. On a vu comment ça s'est passé. La Turquie, l'Irak, l'Iran, tout le monde a attaqué de son côté. Ils ont carrément envoyé 30% des terres kurdes en Irak. Parce qu'après Daesh, Les Kurdes, ils sont battus contre Daesh. Les villes de Kerkuk, Süleymaniye, tout ça, c'était libéré par les Kurdes. Mais Süleymaniye, ils ont pas resté. Ils sont restés juste en Kerkuk et puis d'autres villes, un peu, on va dire, qui étaient litigées avant entre l'Arabe d'Irak et puis les Kurdes. Et que les Kurdes, ils ont sauvé ces villes-là. Et ils ont fait un prétexte que les Kurdes, ils vont avoir un État. Ils ont attaqué, ils ont tout... repris, on va dire. Et puis aujourd'hui, même en Irak, ils sont très contestés, quoi. Oui, en Kurde. Encore que le gouvernement irakien n'est pas assez fort et trop corrompu aujourd'hui pour pouvoir s'opposer, disons, à une certaine autonomie de la région nord. Oui, c'est la région nord. Oui, région nord. Mais actuellement, c'est la Turquie qui gère à leur place. La Turquie, comme j'ai dit, il attaque tous les jours, tous les soirs, quand il veut, comme c'était leur arrière-jardin. Depuis la frontière turque. Oui, depuis la frontière. Non, ce n'est pas depuis la frontière, avec les aviations. Avec les avions, bien sûr. Ah, les avions, ils bombardent les villages, les villes, pas les villes, les villages et les montagnes, soi-disant qu'il y a les PKK et puis il y a les terroristes, on bombarde, on fait fuir les populations civiles qui habitent dans la région. Et ce n'est pas seulement ça. La seule chose des Turcs, c'est que c'est une région montagneuse et que... Il ne peut pas vivre là-bas parce qu'il attaque. Militairement, il occupe une petite région quelque part. Après quelques temps, ils sont obligés de retirer ses forces. Mais actuellement, la présence turque sur le territoire Kurdistan d'Irak, c'est très, très forte. C'est beaucoup plus important que le gouvernement irakien. Avec leurs services secrets, avec tout ce qu'il faut, ils sont là-bas. D'ailleurs, ils ont assassiné deux cadres de PKK il y a quelques jours. Avec leur service secret, ils ont piégé avec la collaboration de certaines Kurdes de Kurdistan d'Irak. Donc, ils ont assassiné deux cadres importants de PKK. Donc, ils sont là-bas. Ils sont beaucoup plus forts, comme j'ai dit, que l'Irak, le gouvernement d'Irak en Kurdistan d'Irak. Oui, d'autant plus que l'Irak est encore, ouais, ils sont par la force là-bas. Gouverné de manière assez aléatoire, on va dire. Voilà. Donc, après... le côté Iran, donc Iran, il essaie d'éviter la guerre contre l'Amérique. Aujourd'hui, cet accord qui est conclu avec l'Amérique et la Turquie, peut-être une partie s'était négociée que la Turquie se détache de cette camp, on va dire Russie, Iran, pour se mettre avec les Américains demain si l'Amérique veut attaquer l'Iran. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de calculs là-bas. Les conflits d'intérêts sont énormes. On ne sait pas aujourd'hui qui est avec qui et lendemain qui est avec qui. Donc c'est pour ça. Les alliances. De toute façon, ce qu'on peut retenir de la situation actuelle, c'est que ces alliances, c'est toujours fait sur le dos des Kurdes, finalement. Voilà, c'est au détriment des Kurdes. Ben, tout le monde est d'accord pour que les Kurdes, qui n'ont même pas une autonomie. Qui se battent sur le terrain, c'est bien. Voilà. C'est bien contre Daesh. Mais après on n'a plus rien à faire, quoi. Voilà, après, on n'a pas besoin des Kurdes. On est prêt à les laisser écraser par les Turcs. Voilà, on laisse à la merci des Turcs ou Assad demain. Assad, aujourd'hui, il veut... il veut que les Kurdes se repentent. Donc, une partie, la Turquie a attaqué, les Kurdes étaient obligés de mettre un accord avec eux. Il y a quand même un hiatus important, là, parce que c'est vrai que le Kurdistan, comme tu le disais, contrairement à une idée que répandent les Turcs, c'est démocratique, c'est égalitaire, c'est social, etc. Quoi. Ouais, hein, ils ont fait leur propre révolution, y compris féministe d'ailleurs, voilà. Hein, les armes à la main, et donc on n'est pas du tout dans un peuple qui aurait que leur propre culture. Ils sont aussi vecteurs de démocratie, voilà. De laïcité pour toute cette région. Et ça, on ne veut pas trop en entendre parler. Ces différents régimes islamiques ou dictatoriales comme Assad, on ne veut pas trop en entendre parler. Je comprends. Voilà. Aujourd'hui, les Kurdes, comme tu as dit, c'est le locomotive de démocratie, de vivre ensemble, de social, d'écologie dans la région. Donc ça n'arrange personne parce que là-bas, il faut qu'il y ait un conflit, il faut qu'il y ait une guerre, il faut qu'on vende nos armes. Voilà, on arrive au bout de cette émission. Oui, il reste 30 secondes. Un petit coucou à Christopher derrière, qui a assuré la technique. Là. Oui. Et donc, on va se quitter, hein, en sachant bien que, de toute façon, si des Turcs veulent prendre la parole, ils pourront toujours le faire. Mais enfin, comme ils ont les médias pour eux, les médias turcs en particulier pour eux, ils ne le désireront peut-être pas tellement. Voilà, je vous souhaite, je remercie beaucoup Assad d'être venu jusqu'ici, hein, depuis le Val d'Aon. Merci. Enfin, il ne faut peut-être pas dire où tu habites parce que tu vas te faire. C'est pas grave. Depuis le Val d'Aon, il nous a porté quand même une version. Une version, comme d'autres médias d'ailleurs français, mais très peu, sur ce qui se passe réellement aujourd'hui en Turquie, en Syrie, au Kurdistan. Voilà, merci. Merci. Moi, le dernier mot, j'appelle tout le monde à manifester à côté des Kurdes. Et votre aide, c'est précieux, le 2 novembre, les journées internationales de Rojava. Donc voilà, tout ce qu'on peut dire, en espérant que tout va s'arranger dans la région. Merci. Merci. Bonne fin de soirée à toutes et à tous et rendez-vous mardi prochain pour une émission de La Parole est à vous, un magazine de Corso. I'm gonna go get some more.